weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans la bulle de l'IA. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après un petit temps d'absence. Nous sommes en direct, vous nous écoutez sur le 107FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Et aujourd'hui, eh bien, pour bien commencer notre semaine, nous avons la grande chance et le grand plaisir, comme toujours, eh bien, de recevoir Victor de chez Narcisse. Victor, bonjour. Bonjour Lia. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bon retour, content de te revoir ici et content de revenir. Je crois que la dernière fois, c'était au mois de mars. C'est ça, ça fait un petit moment, ça fait un petit moment. Je suis ravie de reprendre avec toi. Alors, on parle aujourd'hui eh bien, de la première édition du festival que tu organises, que vous organisez le Pied Orange. Mais avant de parler de tout ce qui s'y passera, nous faisons un petit rappel. Dimanche à 18h chez toi, chez Narcisse, il y aura un dernier concert. Concert qui compte pour la saison en cours 2017-2018. Ouais. Le dernier était avec Acme Punish Yourself le 20 mai dernier, on en avait parlé. Et là, c'est Marcel et son orchestre. Et Aérophone, les anciens du groupe YouTube de Luxeuil, qui viennent fêter leur adieu. Et Marcel, son orchestre, qui revient, précise en absence. Et il nous reste une petite cinquantaine de places. Ah ben voilà, alors dépêchez-vous. Comment on fait si on veut venir? On peut réserver, on t'appelle, on fait quoi? On appelle chez Narcisse ou on va sur le site internet de chez Narcisse, www.chezNarcisse.com/réservation. Et ben voilà, on sait tout. Est-ce que ça s'est bien passé pour Acme? Ça s'est très bien passé pour Acme avec Punish Yourself, c'était la veille de la Pentecôte. Ouais. Et dans cette semaine du 14 au 20 mai, on avait donc le lundi 14 mai pour la première fois la requête à nous. Très belle rencontre, ça s'est très bien passé. Outre le fait que le concert était complet, les gens étaient très contents. Très très belle rencontre avec le groupe qui on espère reviendront dans 2 ou 3 ans. Ou peut-être avant. Et très belle semaine, très beau mois de mai. Eh ben oui. Alors du coup, Marcel et son orchestre, là, ce sera le dernier concert de cette saison. Et donc, pour faire un petit lien, et puis pour pas perdre tout ces foules que tu amènes au Val d'Ajol, eh bien, tu as mis en place avec toute ton équipe de chez Narcisse, le festival Le Pied Orange pour sa toute première édition le 28 et 29 juillet. Un grand festival que tu nous mets en place là pour redynamiser et pour dynamiser. Non, on a dit que le Val d'Ajol c'était très dynamique déjà, mais voilà, tu continues à faire venir les foules avec un très beau programme pour ce festival, pour sa première édition, le festival Le Pied Orange. Alors redis-nous pourquoi vous avez choisi de nommer ce festival comme ça, Le Pied Orange. Très gros retournement de cerveau, on s'est posé pas mal de questions et pour résumer, on voulait un nom qui soit différent de chez Narcisse parce que cette année ça se passe ici pour limiter les risques, c'est une première édition. L'année prochaine ce sera peut-être un autre endroit, on se ferme aucune porte, on va voir comment ça se passe. Le pied orange, symboliquement le pied c'est la danse, le pied c'est le mouvement, le pied c'est le pied de micro et orange c'est tout simplement le mélange des deux couleurs de Narcisse, c'est la couleur du soleil, c'est la chaleur, c'est la couleur de l'ouverture, ça symbolise aussi l'esthétique de notre programmation qui est ouverte, autant de groupes qui sont jamais venus que de groupes qui sont déjà venus. On s'autorise des styles de musique qu'on n'avait encore jamais osé. Oui. Et voilà, le pied orange pour la première édition. Alors, quand tu dis un style de musique que vous aviez jamais osé, tu nous parles de quel style de musique? Que ça soit des coups de cœur personnels des membres de l'association, premier DJ en musique électronique, notamment avec Rebecca Warrior de Sexy Sushi, le samedi soir, du théâtre de rue avec Musica Joe, l'école porteur de rêve, du rock, punk, celtique, on n'avait encore jamais fait avec The Mounds, qui sont, on va dire, la copie conforme des Dropkick Murphys, de musique africaine, donc blues, rock, Touareg enivrant avec Bambino sur le dimanche, et de la musique latine, qu'on n'avait encore jamais proposé avec Flore Del Fango, les anciens de la Mano Negra. On refera un tour sur cette programmation plus complète tout au fil de cette émission, mais on le voit, eh bien, ça sera un festival très éclectique, eh bien, comme le veut un petit peu ce que tu proposes avec chez Narcisse et l'association Rock Live. Hein. On aime bien plein de gens qui viennent d'un peu partout pour proposer plein de styles musicaux différents. Ça, c'est important. Oui, tout à fait. Aucune frontière dans la musique, de notre point de vue. La musique, c'est la rencontre, c'est le partage, et on veut vraiment pas du tout se fixer sur un style en particulier pour le festival. On veut pas se cantonner sur quelque chose, on veut rester ouvert à beaucoup de styles et profiter de soleil pour apprécier justement ces deux journées. Ah bah oui, ça va être magnifique, et ça se passera donc, je le rappelle et je le rappellerai encore, hein, le 28 et 29 juillet. Alors ça commencera à partir de quelle heure? 15h, ouais, le samedi, et midi le dimanche. D'accord. C'est-à-dire la musique commencera à 17h le samedi, ouais, et commencera à 16h le dimanche. D'accord. L'après-midi, début d'après-midi, donc le site sera ouvert, on pourra commencer à venir manger, à, oui, venir boire une bière de la cuvée spéciale qu'on va faire pour le festival. Et le théâtre, oui, de rue commence donc à 15h le samedi, à 15h et à 16h. Cuvée de bière Narcisse spécialement pour le festival. Voilà, tout à fait. Alors, par qui elle est proposée cette bière? Qui l'a brassée? Donc c'est notre partenaire brasseur chez qui on va la fabriquer, donc qui est à Metz, la brasserie Bon Poison. Alors Metz, on pourrait se dire que c'est un peu éloigné, mais celui qui la brasse est de Bellefontaine. On était à l'école ensemble, très belle entente autour de cette bière. Oui. Convivial, chaleureux, comme tu sais si bien le faire, toi et ton équipe. Alors comment ça s'organise un festival comme celui-là? Depuis combien de temps vous êtes un petit peu à pied d'œuvre comme ça pour préparer? J'imagine que ça doit prendre beaucoup de temps. Début septembre, l'idée était là depuis très, ouais, très longtemps, ouais, dans la tête de l'association. On a clairement décidé et validé tout ça début septembre. Donc ouais, c'est un métier en plus par rapport à la gestion du bar, à la gestion du restaurant, la gestion de la salle de concert. Donc oui, c'est beaucoup d'investissement pour tout le monde. Mais c'est du plaisir. Ben oui, ça c'est sûr que ça prime le plaisir, c'est ce qui est le plus important. Et je suis sûre que voilà, toute ton équipe et toi-même, vous en prenez à chaque fois. Alors justement, vous êtes combien à organiser un petit peu ce festival? Alors sur le festival, on va dire, on est entre 5 et 6 à l'heure actuelle. Et, le jour du festival, on sera un minimum de 50 bénévoles. Waouh, ouais, wow, pas mal quand même. Avec l'association. Alors, je vous propose de faire une première bulle de son bien avec Bombino. Tu nous as choisi le titre Téigraine. Voilà, Téigraine, qui est la première chanson de son nouvel album qui est sorti au mois de mai dernier. Qui D'accord. était sorti. Donc, Bombino qui jouera sur le dimanche. Et ouais. Bombino qui est parrainé et soutenu par donc Dan Auerbach, des Black Keys et Dave Grohl, des wow. Foo Fighters. Il a fait leur première partie ce week-end, ah, oui. à Hyde Park à Londres. Et D'accord. donc, sur l'été, le dimanche, sera la... l'exclusivité en France sur juillet et août. Voilà. Ah, donc qui viennent propose, du Niger. Voilà, qui propose un rock touareg. C'est vraiment très très savoureux comme son. C'est toi qui me l'as fait rencontrer la première fois, en tout cas sa sonorité. Et moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc merci à toi. Maintenant, c'est le moment de faire partager ça à nos auditeurs. On se retrouve juste après pour la suite de cette programmation de ce festival première édition, Le Pied Orange. waouh, ce son Bombino, Théi Graine, franchement, ça réveille. Hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça amène des couleurs, ça amène l'été, on est en plein dedans là, ça nous fait un bien fou. On est toujours avec Victor de chez Narcisse, et bien pour nous parler de cette fameuse première édition du festival Le Pied Orange qui aura lieu le 28 et 29 juillet au Val d'Ajol. On a oublié de préciser quand même, ça se passe au Val d'Ajol, dans les rues du Val d'Ajol, mais pas que. Vous prenez tout le Val, vous avez privatisé tout le Val d'Ajol. Comment ça se passe? Non. On remercie la commune qui nous soutient, qui nous soutient matériellement pour l'événement, pour la première édition. Donc ça se passe la grande scène dans la salle de spectacle chez Narcisse, et la rue sera barrée pour l'événement dans laquelle on y monte une scène pour les découvertes, pour le théâtre de rue, les animations extérieures. On fait à manger à l'extérieur, des buvettes à l'extérieur, les partenaires sont aussi à l'extérieur, et donc ça se passe essentiellement dans la rue, donc attelé à chez Narcisse. Donc voilà, dans la tête des gens quand on va au festival, on se gare pas loin de chez Narcisse, dans le centre du Val d'Ajol, et on y va à pied, on est juste à côté. D'accord, est-ce que cette partie sera réservée aux piétons, ou voilà, on pourra un petit peu se déplacer tranquillement, en toute sécurité, pour profiter de tout ce qui sera proposé? Alors tout à fait, toute la rue sera sécurisée pour l'événement. Comment ça fonctionne pour les réservations et le fonctionnement de l'événement? Quand on réserve une place, on a accès à la salle de spectacle, à toutes les têtes d'affiche qui seront dans la salle de spectacle. D'accord. Donc 4 sur le samedi, 4 sur les dimanches, à 25 euros la journée, à 40 sur les deux jours. Et toute la rue et les animations qui vont se passer dehors, les découvertes, le théâtre de rue, donc sera en accès libre. Donc gratuit pour que les gens qui sont juste de passage ou qui veulent seulement profiter de la rue pour qu'il y en ait pour tout le monde, on va dire. D'accord. Alors, on pourra retrouver, donc tu l'as dit, hein, du théâtre de rue. Alors, avec quelle troupe? Alors, on aura deux troupes. Une première qui s'appelle Musigadjo, un duo qui est du Val d'Ajol et de Épinal, qui sont venus l'été dernier nous faire une présentation de leur spectacle 2017. D'accord. En terrasse, et là ils vont ouvrir le festival à 15h le samedi, donc Musigadjo. Ils sont aussi passés à Épinal dernièrement au mois de mai, et les colporteurs de rêve, donc qu'on a découvert sur un stand, sur une partie de la fête de l'humanité l'année dernière. Ils sont de Grenoble. On est sur du théâtre de rue, je ne veux pas dire de mots qui seraient grossiers parce que je ne connais pas, c'est le théâtre de rue, mais théâtre de rue musical, festif, parce qu'ils sont accompagnés d'un accordéon et d'un violon. Waouh, pas mal. Alors on les retrouvera, tu l'as dit, le samedi, donc en début d'après-midi, et le dimanche en fin de matinée. Tout à fait. Voilà, on peut se faire plaisir, un premier pas vers le théâtre, comme c'est si bien écrit dans le dossier presse du Pied Orange de chez Narcisse et de l'association Rock Live. Et bien c'est pas mal. Alors il y aura aussi une invitation à l'art graphique, donc ça c'est toujours au sein de la rue, alors avec le collectif Cover One, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Sébastien Cherrier, j'espère que je ne me trompe pas avec le prénom de son frère, Michael. Il t'en voudra pas. Qui va venir justement nous faire une fresque géante, donc il va faire 4 mètres par 6, c'est-à-dire toute une façade entière de chez Narcisse. Donc là, ce sera le fil rouge sur deux jours. Ils seront éclairés, ils auront tout le matériel pour. Ouais. Et donc, une fresque est... sur laquelle on a voulu leur donner, on va dire, carte blanche, peut-être pour partager leur point de vue sur Narcisse, sur ce qu'ils en pensent, sur ce qu'ils ressentent par rapport à ça, et une fresque qui aussi symbolise le pied orange, donc le fil rouge sur deux jours. Pas mal, hein, avec donc ouverture, voyage, diversité, plein de mots qui nous donnent l'eau à la bouche. Est-ce que tu les connaissais déjà, ces jeunes hommes du collectif Cover One? Oui, parce qu'en fait, ça fait peut-être une bonne quinzaine d'années qu'ils viennent au concert chez nous, d'accord, qu'on se croit sur d'autres événements dans le département ou ailleurs. Donc ils connaissent déjà l'établissement, oui. Comment ça se passe quand on crée une fresque géante? Toi, tu sais peut-être pas comment ils vont faire, mais est-ce qu'elle va rester de façon permanente, cette fresque, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis à disposition pour ensuite être enlevé? Le but, c'est qu'elle reste de façon permanente, donc ce sera sur la façade, sur la façade gauche de l'établissement, mais voilà, on n'en dit pas plus, ce sera à découvrir sur place. C'est une surprise, mais ils n'ont pas intérêt à se louper pour le coup, si vous savez. On leur fait entièrement confiance. Ben, nous aussi, on a hâte voir ça. Alors, au sein de ces animations de rue, il y aura donc du théâtre, du graphe. Qu'est-ce qu'on retrouvera d'autre ? Alors sur le dimanche, donc on aura le théâtre de rue à 11h, et entre midi et 15h, donc on organise une dégustation de vin et de bière, mais on va à l'essentiel. On a notre partenaire brasseur, donc Bon Poison, qui est à Metz, et un coup de cœur d'une rencontre de cette année, un vigneron bio naturel, qui est dans le sud du Beaujolais, donc qui va venir avec sa compagne, donc lui s'appelle Julien Merle, donc on va le faire déguster le midi, on va faire à manger en même temps. Donc il y aura du théâtre de rue, les dégustations, et on va faire manger aussi. Oui. Et donc on a aussi un jukebox réel, donc, qui s'appelle les Fils du Facteur, qui viennent de Lausanne en Suisse, qui seront là sur les deux jours en fil rouge également, à jouer entre les concerts, pendant les pauses. Donc c'est un jukebox réel. On arrive devant, on choisit notre chanson, ils ouvrent les rideaux et ils jouent en direct. Donc voilà, un concept... Qui nous a plu quand on les a découverts sur un festival l'été dernier. Donc des gens, ils arrivent à jouer de tout. Ils arrivent à jouer de tout, ils orientent bien sûr sur leur choix à eux, mais ça va être plaisant. Incroyable, alors ça, c'est plutôt pas mal. Alors tu nous parlais de partenaires, qui a souhaité un petit peu participer à l'aventure Le Pied Orange ? Alors, il faut savoir que Narcisse est indépendant depuis 120 ans. Mais là, on va dire, le fait de lancer un festival, il y a des partenaires qui sont manifestés d'eux-mêmes, que ce soit des artisans, des commerçants sur le village, que ce soit l'hôtel-restaurant, la résidence, que ce soit notre partenaire banquier, notre brasseur. Donc, qui nous ont tous proposé spontanément de nous soutenir, donc que ce soit dans la communication, matériellement, un petit peu financièrement. Donc, pour cette première édition, donc, qui se passe... chez Narcisse, mais qui peut-être se passera ailleurs sur l'année prochaine, on y réfléchit. D'accord. Et en tout cas, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de voir qu'ils viennent d'eux-mêmes. Donc c'est... Il y a déjà une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'en plus, il y en a même deux, on va se faire vraiment plaisir au sein de cette première édition Le Pied Orange, avec une programmation très éclectique et puis des arts de rue, entre guillemets, pour vraiment se faire plaisir tout au long de la journée. Mais en plus, il y aura une deuxième édition. Alors on va faire une deuxième bulle de son avec l'Ophophora, hein, qui sera présent donc le samedi 28 juillet pour une session acoustique, c'est ça ? Pour la toute première fois, l'Ophophora est déjà venu régulièrement chez Narcisse, on est amis, il n'y a aucun doute là-dessus, mais là c'est vraiment un spectacle entièrement à part, un album complètement acoustique. Ils vont jouer à 21h le samedi. Donc c'est la puissance et la force de l'Ophophora avec une guitare acoustique. Et on a vraiment, vraiment, vraiment hâte de découvrir. On est très curieux, très curieux. Eux-mêmes disaient et regrettaient un petit peu de ne pas être programmés sur beaucoup de festivals sur l'été. Beaucoup d'organisateurs ont été frileux, pensant que... De l'Ophophora, on attend réellement du son très lourd. Oui. Mais à l'inverse de ça, on pense que on veut vraiment mettre en avant ce que sont capables de proposer l'Ophophora en tant que pilier du stoner et du métal en France. On trouve vraiment ça élégant d'arriver à proposer un son complètement différent avec la même puissance. Et donc, oui. On a vraiment hâte. Ben nous aussi, on écoute leur titre Les Boîtes, donc, qui est un extrait de leur album acoustique Simple Appareil, qui est sorti d'ailleurs le 6 avril de cette année. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Cette fois, nous voilà plus près de la fin que du début. J'essaie encore d'avancer, parfois même j'évolue. Déjà, je ne vois plus la vie comme un rébus. On ne peut pas tout avoir comme on l'aurait voulu. Il y a des fois où la limite est floue entre l'essentiel et le superflu. Y aurait de quoi devenir fou quand la frustration reste à l'affût. C'est comme un couloir sans fin où se confondent l'appétit et la faim. Ça ressemble à un puits sans fond. On ne voit plus ni le plan plancher ni le plafond. Ainsi vont, vont les petites gens honnêtes, abreuver le sornette le soir comme le matin, afin qu'un prophète s'empare des manettes avec un super slogan qui ratisse loin. Plusieurs têtes pour un seul refrain, on est tous sœurs et frères, si ça va encore bien, on retournera nos vestes. Peut-être demain, t'inquiète, si ça empeste, on s'en lavera les mains. Faut mettre des boîtes dans les boîtes, jusqu'à temps que ça éclate. Faut mettre des cases dans les cases, même si ça nous écrase, alors on fait les phrases dans les phrases. Allons, enfants de la crise, retirez vos doigts de la prise. J'ai encore oublié de fermer le gaz. Dans l'infini désert aride, seul le vertige dirige l'ennemi, c'est le vide. Au péril de nos vies sordides, les techniques ancestrales n'ont pas pris une ride. Vous m'envoyez navré, mais le roi c'est la vide. Ça fait des tas de bordel en terril qui s'oxyde, des tonnes de fûts toxiques transpire de l'acide. Comme investissement sur futur génocide, on empile, on remplit, tant que ça rentre à coup de latte. Prédateur accompli, comme toujours on s'en jette derrière la cravate. Fini les temps modernes, voici les temps révolus. L'avenir paraît terne, déjà qu'on n'en peut plus. Le moral est en berne, mais en quête absolu. Pour nous, les gars de la gamberge, il n'y a guère de salut. Faut mettre des boîtes dans les boîtes, jusqu'à temps que ça éclate. Faut mettre des cases dans les cases, même si ça nous écrase, alors on fait des phrases dans les phrases. Allons, enfants de la crise, retirez vos doigts de la prise. J'ai encore oublié de fermer le gaz. Et avant de mourir de rire, ne m'en voulez pas. Mais parfois, j'aimerais ça, tu me vois voler en éclats. C'était Lofofora pour eh bien, son premier titre en acoustique, hein, sorti de leur nouvel album, pour notre plus grand plaisir auditif. Alors, on est toujours avec Victor pour parler eh bien, de ce fameux festival Le Pied Orange qui va s'organiser eh bien, le 28 et 29 juillet avec, vous l'avez compris, eh bien, plein d'artistes différents, plein de choses même à retrouver au sein des rues. Et comme tu l'as dit, Victor, tout à l'heure, eh bien, pour toutes ces, voilà, ces activités, ces choses qui seront proposées en pleine rue, eh bien, ce sera gratuit. Et ça, c'est plutôt sympathique parce qu'il y a des gens qui vont passer et puis regarder, peut-être des gens qui seront en vacances, et ça va amener plein de monde. Est-ce qu'une fois sur place, on est séduit, on a envie de participer au concert, on peut encore acheter des places ou vraiment il faut réserver? C'est fortement conseillé de réserver. On est à 60% de la billetterie écoulée, que ce soit sur les deux jours ou par jour. On devrait, je dis bien on devrait, c'est du conditionnel, tout dépendra de l'attirance pour la billetterie sur le mois de juillet, mais on devrait avoir quelques places à revendre le jour du festival, le samedi ou le dimanche, pour que justement les curieux séduits puissent entrer dans la salle, ah, voir ben les têtes voilà. d'affiches. Super. Alors, si on veut réserver, ça se passe comment ? Ça se passe comme pendant la saison chez Narcisse, donc où on passe un petit coup de téléphone, 03 29 66 53 59, ou sur internet, www.chenarcisse.com/réservation, où là, pour l'occasion, on a mis une billetterie en ligne, donc avec un prestataire extérieur, avec Digitik, tout simplement, le pied orange. Ok, ben voilà, plus d'excuses pour ne pas venir se faire plaisir aux oreilles et aux yeux au sein de ce festival. Alors, on a parlé des animations de rue, il y aura des stands aussi avec des dégustations, comme tu nous en as parlé tout à l'heure, mais il y aura aussi un barbier. Alors ça, ça m'intrigue. Donc le barbier qui va pas venir faire un stand, mais c'est le coiffeur qui est dans la rue. D'accord. Donc dans la rue du Dévot, à l'entrée, quand on arrive de la place de l'église, on verra sur place. Donc il va faire des coupes le samedi après-midi entre 14 et 16 heures. Donc, d'accord. Pour aller toquer à la porte et se présenter sous le nom du festival de festivaliers. Voilà, d'accord. C'est pour ça que t'as laissé pousser la barbe. Voilà, pour pouvoir la couper le jour-là. Ben voilà, très très bonne idée. Alors si on a envie de participer sur les deux jours, hein, de vraiment se faire plaisir le 28 et le 29, voilà, tout les deux jours pour assister à tout ce qui est proposé, on peut dormir. On peut dormir. On a beaucoup de demandes de gens qui cherchent le confort ou la tranquillité, qui nous demandent des aiguillages pour des gîtes, d'accord, des hôtels, des maisons d'hôtes. Ah oui. Donc, sur demande, on envoie notre fichier et on relaie vers tous les partenaires ou non, qui sont disponibles sur le Val d'Ajol en gîte, en hôtel, Airbnb, on peut tout trouver. D'accord. Il y a le camping du Val d'Ajol, bien sûr, où on peut réserver un emplacement. Et on aura aussi un camping gratuit, donc qui est juste à côté du camping du Val d'Ajol. Un camping gratuit. Ah oui. Voilà. Et pour ceux qui veulent, s'il fait beau sur le samedi et le dimanche, la piscine du Val d'Ajol est à 200 mètres du camping. Waouh. Il va y avoir beaucoup de monde quand même, hein. À mon avis, au sein de ces festivals, le Val d'Ajol va vraiment se faire un bon coup secoué. Mais je crois qu'il aime bien ça, le Val d'Ajol, hein. C'est vraiment... Il y a beaucoup de choses qui sortent. C'est très dynamique maintenant. C'est vraiment jeune. Il y a beaucoup d'associations au sein du Val d'Ajol. Et on l'oublie parfois, mais on a déjà rencontré plusieurs personnes, plusieurs associations venant de là-bas, et ça fait plaisir. Pour 4000 habitants en Val d'Ajol, on compte 45 associations, donc énorme. Tout confondu, des choses à faire tous les week-ends, des bénévoles passionnés dans tout type d'associations. Donc le Val d'Ajol ne se limite pas à la foire Landouille, hein, qui est un tremplin qui permet de faire parler du Val d'Ajol un peu partout en France. Et il y a énormément de passionnés dans le village. Et comme on disait tout à l'heure, nous, au travers de ce festival, là aussi c'est important, on a commencé à sensibiliser sur le Val d'Ajol, notamment le voisinage, parce que qui dit festivité dit musique, dit bruit agréable pour nous, mais pas forcément pour tout le monde. Oui. Donc on essaie d'avancer main dans la main pour cette première édition, que tout le monde sache où il va, et notamment si ça vient perdurer sur l'année prochaine. Donc c'est bien de partir sur des bonnes bases. Oui, c'est mieux. Comment c'est accueilli par la commune, les habitants, ce festival? T'as un petit retour déjà ou pas? Alors, je pense que des retours, on n'en a jamais suffisamment de notre point de vue. Ça semble fédéré sur le village, dans les réservations. Par exemple, on a presque un tiers de personnes qui viennent du Val d'Ajol, qui sont heureux, qui sont contents de venir, de jouer le jeu, de nous soutenir, tout à fait. La commune semble, je dis bien semble, nous accueillir à bras ouverts, nous soutient matériellement. Une animation de plus dans un village, c'est toujours positif, notamment quand ça fait parler un petit peu partout dans un périmètre relativement large. C'est vrai. Donc, pour l'instant, on est positif. Et on attend à oreille grande ouverte, avant ou après l'événement, les possibles remarques, parce que voilà. C'est toujours constructif. C'est toujours constructif. Voilà. Quelle était la volonté première de l'association de chez Narcisse pour créer cette première édition, ce festival? Qu'est-ce qui vraiment vous a donné envie de faire ça? Fédérer, marquer un temps fort à mi-chemin entre deux saisons, un temps fort sur l'été, oui. Faire plaisir à notre public. Il y en a certains qui, à l'annonce du festival, nous ont dit spontanément « Enfin, il était temps, qu'on se mette à faire un festival ». C'est pas seulement une volonté personnelle ou une petite volonté d'orgueil d'organiser un festival dans son coin, certains pourraient le dire, parce qu'aujourd'hui les festivals c'est un peu comme la bière, hein, ouais, on va être clair, ouais. On en voit un petit peu partout. on veut se faire plaisir, on veut faire plaisir aux gens, c'est pas uniquement pour nous, c'est aussi pour amener des styles de musique, des sons sur lesquels nous-mêmes on n'est pas habitués. On a envie de proposer ça et le partager au plus grand. Je pense que pense que c'est peut-être pareil pour tous les programmateurs ou organisateurs de concerts. Certes, on aime un style de musique, on aime un concert, on va le découvrir quelque part, mais en fait, là où on prend plaisir, c'est quand c'est dans le partage, c'est quand on vit le spectacle, c'est quand on vit le festival, c'est quand on s'y sent bien et qu'on comprend pas pourquoi et qu'on a réellement envie de le partager au plus grand nombre, tout simplement. Ben voilà, c'est tellement bien dit, on rajoutera pas un mot. Alors, on va se faire encore une nouvelle bulle de son. Hein. Tu nous as proposé plein de sons aujourd'hui pour un petit peu montrer et faire écouter ce qui sera présent au sein de ce festival. On écoute Foxaguinche. Alors, d'où viennent-ils ? Sont-ils plusieurs déjà ? Ils sont, si je ne me trompe pas, 5 sur scène. Ils viennent de Grenoble. Ils sont venus la première fois en 2014. Ils nous ont tellement plu, ils sont venus 2 fois dans l'été. D'accord. Donc, gros coup de cœur quand ils sont venus. Ils se définissent comme du guinche and roll. D'accord. La musique parlera d'elle-même. Et quand on s'est eu au téléphone, donc après 4 ans, assez très éloignés, ils étaient, eux comme nous, étions vraiment très très très contents de les revoir. Voilà, wow. Foxa Guinche. Super. Est-ce que justement, c'est toi qui as été chercher, enfin vous, qui avez été chercher les artistes, ou alors certains sont venus, ont fait un petit appel pour pouvoir participer ? Du fait de la première édition, que ça soit entièrement nouveau, on est allé vers les artistes. Ouais. Certains nous ont demandé spontanément à l'annonce, par exemple Tagada Jones. On pourrait dire que Tagada Jones vient régulièrement chez Narcisse. Ils ont fait complet il y a 1 an et demi. Ils ouais. reviennent, mais ils étaient en Suisse la veille. Ils nous ont dit on vient. Et ça nous a fait vraiment, vraiment chaud au cœur parce que spontanément, c'est... Et aucun regret, on va prendre énormément de plaisir. Tagada Jones qui jouera en clôture le dimanche. Certains sont manifestés, mais on va dire pour la plupart, on est allé vers eux. Wow. On est allé vers eux. Et bah ça, c'est super. En plus, ça fédère, ça fait plaisir. On voit qu'il y a une belle solidarité et puis un bel élan artistique et humain. Et ça fait du bien. Alors, Foxaguinche, Elle criait nue, c'est tout de suite. Et on se retrouve juste après. Comme toi, perdu dans les eaux de l'amour, sans trouver le bateau du retour. T'en fais pas mon copain, où tu vas c'est pas si loin. Je ne peux pas t'accompagner, mais tu aimeras ce que tu vas trouver. Ouais, je sais que toi, t'as trop l'habitude d'aimer. Et que si t'hésites encore, c'est pas peur d'être blessé. Tu t'es fait une idée, des romances, mais c'est pas elle qui te brisera le cœur ou le jettera à la poubelle. Elle est pas méchante, je crois même qu'une de ses nuits, elle criait nue, vive la vie. Faut juste aimer sa franchise, car si ses manières n'enluisent, elle t'a ouvert son bagage pour le plus beau des voyages. Et si tu tombes dans l'erreur, que tu t'es trompé de cœur, dis-toi que c'est pas la fin, qu'il y a toujours les copains, qu'il y a toujours une bonne gnole ou un petit joint malin, pour qu'on joue, qu'on rigole et qu'on oublie le petit matin. We'll be right back. Foxaguin chez le Crié Nu sera, certain. Donc Foxaguin sera présent sur le festival Le Pied Orange dont nous parlons, vous l'avez bien compris aujourd'hui, avec Victor de chez Narcisse qui nous a fait la grande joie de passer par la bulle aujourd'hui. Merci encore Victor d'être ici aujourd'hui. Merci Lia. Alors on va parler plus profondément de cette programmation hein, sur ces deux jours. On va un petit peu énumérer les artistes qui seront présents. Samedi sera présent l'Ophophora. Qui commencera d'ailleurs samedi? En ouverture à l'extérieur à 17h, le groupe de Nancy Truck Driver. D'accord. Un groupe de reprise des années 50, 60, où tout le spectacle de la tenue au son de guitare sont mis en avant pour un plongeon dans les années 50. Wow. Donc, Truck Driver à 17h. À 18h30, la Flor del Fango, les anciens de la Mano Negra, avec notre plus grand plaisir, Majid Fahem à la guitare, le bras droit de Manu Chao, qui les accompagne sur la tournée d'été. Ah oui. D'accord. Ensuite, on aura Dr Vince en extérieur, donc qui est le DJ du groupe Stupeflip et des Svinkles, donc qui va jouer une première fois pendant une heure à l'extérieur entre la Flor del Fango et l'Ophophora à 21h. D'accord. Et à 22h30, on va l'annoncer très bientôt, mais je peux en parler là, on organise une dans la rue à l'extérieur, donc une battle de DJ, donc ils vont se répondre une formule question-réponse pendant trois quarts d'heure, juste après l'Ophophora, donc avec Lolo, le fourme, qui est un membre du bal des Orangers contre Dr Vince, sur un thème bien précis qu'on ne dévoilera pas, donc pendant une heure à l'extérieur, et la clôture du samedi soir donc avec Rebecca Warrior, donc qui est DJ chanteuse du groupe Sexy Sushi. Waouh, pas mal. Alors ça va faire plaisir à tout le monde. C'est vrai qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, et ça fait du bien. Et puis ça peut amener différentes personnes à découvrir des sonorités, des groupes qu'ils ne connaissaient pas avant. Et ça, c'est un petit peu le but aussi, parce que quand on va chez Narcisse, on cible un petit peu les concerts que l'on a envie de voir. Mais là, du coup, on peut se faire plaisir avec tout le panel d'artistes proposés. Quand on vient en saison chez Narcisse un dimanche soir voir un groupe, souvent c'est bien précis, on sait pourquoi on vient, on sait pourquoi on ne reste pas sur notre canapé le dimanche soir. Et bien souvent la première partie est dans l'esprit de la tête d'affiche. Là sur le festival, celui qui vient spécialement pour Rebecca Warrior par exemple, donc qui fait de l'électro, pourra découvrir l'Ophophora ou la Flor del Fango ou encore Dr Vince. Pareil sur le dimanche, celui qui viendra pour Bombino, qui fait du rock touareg du Niger, par exemple, des gens qui traversent la France, des gens qui viennent de Cergy Pontoise, de Brest, de Lille, de Aix-en-Provence, exprès pour voir Bombino, pour en découvrir Tagada Jones ou encore The Mahones, donc qui viennent du Canada, sur le dimanche soir. Eh oui, alors ces artistes, ils vont rester là un petit moment, ils vont pas faire que passer, venir et repartir tout de suite. Est-ce que parfois on aura la chance peut-être d'en rencontrer certains? Est-ce qu'ils sont accessibles? Ils seront accessibles du fait que justement chez Narcisse, les loges sont très petites. D'accord. Les musiciens le savent, on va monter une deuxième loge à côté. Donc je pense que la loge des artistes sera à se mélanger avec le public et être sur le site. Et ça, c'est même une certitude. Avec le soleil, en plus, ils auront besoin et envie d'être à l'extérieur. Donc tout le monde se mélange, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je pense pour le plaisir de tout le monde, autant des artistes qui vont venir découvrir et discuter avec le public et réciproquement. Eh oui, ça c'est chouette. Alors avant de continuer d'en savoir un petit peu plus, même beaucoup plus sur la programmation donc du jour suivant pour donc le dimanche, on va écouter bien justement un groupe qui sera présent le dimanche 29 juillet qui est The Mahones. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Tout à fait. Ouf. Et mieux que moi. Alors qui va proposer quoi comme genre musical cette fois-ci ? Du punk celtique, ouais. Donc qui ressemble beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure, à Dropkick Murphys. Ils ont fait des tournées entières en première partie de Dropkick Murphys. Ils ont joué avec les Pogues. Ça fait 20 ans qu'ils jouent. Ils sont vraiment piliers, une référence dans le punk celtique. Peu connus en France, on les a découverts sur le festival du Chien Plume l'été dernier, où ils avaient complètement endiablé la petite scène. Et on a vraiment hâte de faire découvrir la puissance de leur violon et de leur guitare sur la scène. Waouh, ils viennent du Canada, eux. Voilà, de l'Ontario. Waouh, ça c'est quand même incroyable, quoi. Des artistes qui viennent de si loin pour venir jouer au sein du festival Le Pied Orange au Val d'Ajol. C'est fou. c'est fou, on a hâte, ils sont pour 15 jours en Europe et on a eu la chance de les avoir sur la Routure le dimanche. Eh bien, on écoute leur son tout de suite et on se retrouve juste après pour la programmation du dimanche 29 juillet pour le festival Le Pied Orange. Waouh, voilà pour cet avant-goût du groupe The Mahons qui sera présent eh bien, dimanche au sein du festival Le Pied Orange. Alors là, ça va déchirer, à mon avis, tout le monde va lever ses jambes, se tenir par les petits doigts. Ça va être génial. Donc c'est à 17h le dimanche, le premier concert dans la salle, justement. D'accord. Alors dimanche, on retrouvera qui sera en ouverture ? En ouverture à l'extérieur le dimanche à 16h, donc un autre groupe de reprise de Nancy, qui s'appelle les All Star 60s, dans l'esprit de Truck Driver. D'accord. Des reprises tout public des années 60, 70, rock'n'roll. D'accord. The Mahons à 17h. Ok. Et à 18h15, Fox à Guinche. D'accord. Ensuite, on aura Pigalle. Donc Pigalle qui est déjà venu plusieurs fois chez Narcissé, oui. Qui viendra présenter leur nouvel album qui est sorti en mars cette année. Oui. Donc ils vont jouer à 19h15. Et ensuite on aura Bombino et Tagada Jones en clôture. Voilà, impeccable. Est-ce qu'on peut encore dormir là où on aura choisi de dormir dimanche soir, histoire de décompresser un petit peu avant de repartir chez soi? Et c'est conseillé de rester sur place le dimanche soir. J'imagine que toi et toute ton équipe avez vraiment hâte de rencontrer tous ces gens qui vont venir vous faire un coucou. Est-ce que tu peux nommer certaines personnes qui vont t'aider au sein de ce festival, peut-être des gens qui s'investissent beaucoup à tes côtés? Ah oui, tout à fait. Francis, Dibabouze, Guillaume, Arthur, Olivier, Hervé, Roger, ma sœur Léonie, Sylvie, Popeye, qui seront là, mon père aussi, qui prend plaisir à être là. Donc, plus tous ceux qui donnent un coup de main, Christelle aussi, qui donne un coup de main sur la formule habituelle chez Narcisse. Et là, on va dire, on sera beaucoup plus que ce qu'on est à l'habitude. Donc, on va dire une cinquantaine pour aider sur les deux jours, oui. Ça c'est bien, mais ça c'est facile de se mettre tous en cohésion quand on est 50 personnes à être au sein du festival. Est-ce que chacun a sa place bien définie déjà à l'avance ? Avec l'accord de tout le monde, on essaie aussi que tout le monde y prenne une partie de plaisir aussi en même temps, même si on sait différencier le moment où on est tous un petit peu dans le rush sur l'événement du moment où on est là pour prendre plaisir. Là, on va tous être bien concentrés sur les deux jours pour que tout se passe au mieux, sur des questions qu'on n'a pas eu forcément l'habitude de se poser jusqu'à maintenant parce qu'on avait toujours la même organisation donc par rapport à chez Narcisse. Là, c'est un challenge différent. On sort de sa zone de confort. Voilà, tout à fait, ça fait plaisir. Ça fait du bien et on se prépare peut-être pour les années suivantes à faire des challenges peut-être différents. Bah on vous le souhaite. Alors, tu parles de ton papa, de ta sœur. C'est un festival un petit peu intergénérationnel. Est-ce qu'on pourra venir avec ses enfants ou alors vraiment on reste entre adultes histoire de bien profiter au mieux de tout ce qui sera proposé ? On peut venir avec ses enfants, bien sûr, notamment pour découvrir les pièces de théâtre. Donc sur l'après-midi du samedi ou du dimanche, la rue sera complètement grand public, volontairement dans le choix de la programmation qui reste festive, qui reste tout public. Seuls peut-être les concerts en clôture sur le samedi et le dimanche, notamment Rebecca Warrior et Tagada Jones, où ça peut être déconseiller de venir avec les enfants parce que c'est de la musique qui bouge, même si tout s'est toujours bien passé, même si les pogos sont toujours très bien passés sur Tagada Jones ou tout le monde chez Narcisse, il n'y a quand même aucune inquiétude de ce point de vue là. Ok, super, eh bien voilà, on en sait vraiment plus sur ce festival Le Pied Orange que tu nous présentes aujourd'hui qui aura lieu, et eh bien maintenant vous le savez, hein, le 28 et 29 juillet au Val d'Ajol pour notre plus grand plaisir. Avant de terminer cette émission, eh bien on écoute le dernier son que tu nous as préparé, Flor del Fongo. C'est ça ? Voilà, les anciens de la Mano Negra, un groupe qui a été formé justement sur les cendres de la Mano Negra, avec des anciens du groupe Chiquitas, des anciens du groupe Indochine, de la Mano Negra, les patrons, donc qui s'est arrêté pendant une quinzaine d'années. Ils avaient ressorti un album début des années 2000, et là c'est leur nouvel album qui vient de sortir cette année en 2018, en février 2018. Waouh ! Eh bien on écoute ça tout de suite, et puis on se retrouve pour la toute fin de notre émission. Ahora es el ritmo loco, déjate llevar. on voyage encore avec ce groupe Flor del Fungo, vraiment des sonorités qui chantent hein, pour ce groupe, ça, c'est entraînant. C'est entraînant, c'est chaud, ça donne envie de danser. Ça sent le soleil tout ça quand même. Alors voilà, on a fait un petit peu le tour de ce festival avec toute la programmation et tout ce qui vous sera proposé. J'espère qu'on vous aura vraiment donné envie de participer et d'assister à ce festival Le Pied Orange le 28 et 29 juillet. Si vous avez manqué quelques informations, eh bien pas de panique, cette émission sera présente sur notre site internet et sur notre page Facebook, et bien entendu vous retrouverez toutes les informations eh bien sur le site de chez Narcisse, hein. Site de chez Narcisse, chez Narcisse.com, ou sur la page Facebook du festival Le Pied Orange, ouais. Ou de chez Narcisse. Il y a un Instagram aussi. Il y a un Instagram chez Narcisse. Waouh, on est dans la technologie. On utilise les réseaux sociaux, mais à bon escient, hein, voilà, pour se faire plaisir. Alors, on n'oublie pas eh bien, que dimanche à 18h, il y aura Marcel et son orchestre donc, chez toi. Encore quelques places de disponibles, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à venir vous mettre l'eau à la bouche chez Narcisse dimanche donc à 18h. Et puis tu nous parlais en off donc de deux repas concerts qui auront lieu cet été en terrasse, l'un avant le festival Le Pied Orange, donc le 13 juillet, c'est ça? Vendredi 13 juillet, un repas concert sur le thème de la culture cajun. On a le groupe le Winstone Band de D'accord. Montréal qui joue de la musique folk zydeco de la Nouvelle-Orléans, donc un repas cajun, de la musique cajun sur le vendredi 13 juillet, donc l'entrée est libre, on peut manger sur place, sur réservation. Wow. Donc s'il fait beau, on le fait en terrasse, s'il pleut, on sera dans la salle de concert. D'accord. Et la clôture de l'été, donc qui sera samedi 25 août avec The Yokel. D'accord. Un groupe découvert au cabaret Vert l'année dernière, festival Charleville-Mézières, du folk festif. Ils sont de Metz et de Nancy qui vont jouer samedi 25 août. Et pour l'occasion, donc différent de la culture cajun, on fait une soirée côte de bœuf. D'accord. Et frites à volonté. Ben voilà, il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça qu'on aime chez Narcisse, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors avant bien de se dire au revoir déjà, hein, cette émission est passée à toute allure comme toujours. On fait un petit point, on jette un œil sur la saison qui va bientôt se dérouler, la saison 2019 chez Narcisse. Qu'est-ce qui s'y passera? Alors pour les concerts qui se passeront dans la salle de spectacle entre octobre et mai, octobre 2018, mai 2019. En ouverture, on aura les excellents inspecteurs Clouseau, du rock'n'roll qui viennent de Gascogne, dimanche 7 octobre. On aura le groupe canadien Canaille pour un repas-concert le samedi 10 novembre. Ensuite, on aura un plateau punk avec trois groupes qui ne sont jamais venus, sauf les Salles Majesté, plus Guérilla Poubelle et Charge 69, dimanche 3 février 2019. On vient de l'annoncer la semaine dernière. On a en exclusivité sur la Lorraine et le Nord-Est quasiment Massisteria, donc dimanche 24 mars. On aura également le Bal des Orangers qui vont venir dimanche 28 avril 2019. D'accord. D'autres sont à confirmer et annoncer bientôt, mais on garde ça pour les annoncer pendant le festival. Ah bah oui, il y a des nouveaux qui viennent chez Narcisse là, cette année. Inspecteur Clouseau, ouais. Tout à fait, Charge 69, Guérilla Poubelle, Massisteria, on peut presque les considérer comme des nouveaux parce que ça va faire 13 ou 15 ans qu'ils sont, qu'ils sont jamais venus. D'accord. Et il y en aura encore deux autres nouveaux qu'on va annoncer plus tard. Est-ce que c'est important ça pour l'équipe de chez Narcisse de présenter de nouveaux artistes au public? Et de ne pas sûr. Rester toujours sur ses acquis, même si on adore les groupes qui viennent chez Narcisse, on présente des nouvelles choses. Tout à fait, des nouvelles choses, comme ça l'a toujours été, des découvertes. Savoir que Chaka Ponk était la première date qui avait été faite. La première date de Chaka Ponk dans leur première tournée en 2006 était notamment chez nous. Ça, c'est incroyable. Comme Gojira qui ont été découverts aussi. Donc toujours se renouveler. On aime aussi proposer... entre guillemets, valeurs sûres et au groupe avec qui on est amis, de revenir régulièrement, hein, dans le noyau qu'on peut retrouver dans notre programmation. mais depuis 3 à 4 ans, notamment, il faut qu'il y ait un minimum autant de découvertes que de groupes qui ne sont jamais venus. Ah ben voilà, c'est super, on découvre plein de choses, on se fait plaisir chez Narcisse, et vraiment, merci beaucoup à toi Victor. On n'oublie pas le festival du Pied Orange qui commencera samedi 28 juillet à partir de 14h, voilà, pour plein de choses différentes, plein d'animations, plein d'artistes, plein de musique, des festivités à foison. On se fait plaisir, on bouge, on profite de cet été pour aller faire un tour au Val d'Ajol, aller faire coucou à toute ton équipe. Merci encore à toi d'être passé par ici pour nous en parler, et puis un très très bon festival, et puis un très bon concert dimanche avec Marcel et son orchestre, et puis tout ce que tu as de prévu encore, et puis on embrasse toute ton équipe aussi, hein, on les oublie pas. Merci Lia, merci de l'accueil encore une fois, et à très vite. À très vite. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that method's pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown.